Les chroniques de l'espace avec Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, et aujourd'hui une des plus grandes énigmes de la science moderne, la matière noire et l'énergie noire. 4, 3, 2, 1, lift off. Dans les années 1930, on pensait logiquement que la matière présente dans l'univers se résumait aux astres visibles. Et quand on s'est mis à calculer la masse de toutes les étoiles visibles d'une galaxie, on s'est aperçu que cela ne suffisait pas à expliquer leur vitesse, beaucoup plus grande qu'attendue. Explication possible, soit on n'a rien compris aux lois de la gravité, ce qui paraît quand même peu probable vu tous les succès accumulés, soit il existe de la matière invisible qui, par son champ de gravité, accélère les corps célestes. Cette matière, dite noire, réserve une autre surprise. Tout calcul fait, on se rend compte qu'elle totalise plus de 95% de toute la matière de l'univers. Aujourd'hui, trouver la nature de cette matière noire est l'un des casse-têtes de la cosmologie. Et parmi toutes les réponses théoriques données, aucune ne fait l'unanimité. Et c'est comme cela que fonctionne la recherche scientifique. Puis ce n'est pas tout. Une surprise encore plus énorme attendait les astronomes. Qu'elle soit visible ou pas, faite d'atomes comme nous et les étoiles, ou bien de particules bizarres engendrées au Big Bang, la matière exerce une force d'attraction qui doit ralentir la vitesse d'expansion de l'univers. Lorsqu'en 1996, on a fait des observations pour mesurer ce ralentissement, on a constaté que la vitesse d'expansion ne ralentit pas du tout, au contraire, elle accélère. Cela implique qu'il y a une composante non matérielle qui est responsable. Faute de mieux, on l'appelle énergie sombre. Mais ce n'est pas une forme d'énergie usuelle, parce qu'elle est répulsive, à l'encontre de la gravité. En fait, l'énergie sombre peut s'expliquer assez simplement dans le cadre de notre théorie de la gravitation, la relativité générale d'Einstein, dont les équations contiennent un terme qu'on appelle la constante cosmologique, qui en simule bien les effets. Mais pour certains physiciens, il s'agit d'une véritable énigme qui porte en elle une révolution pour la physique fondamentale, en impliquant l'existence d'une interaction nouvelle ou alors une modification de la relativité générale. La nature de l'énergie sombre est donc devenue l'une des plus grandes énigmes de la science moderne. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un article paraisse dans une revue scientifique pour proposer une explication. L'une d'elles invoque l'énergie du vide. Parce que selon les lois de la physique quantique, le vide, ce n'est pas le néant, c'est-à-dire l'absence de tout. Le vide quantique est agité par un bouillonnement de particules qui s'entrechoquent et se détruisent mutuellement. Ces interactions provoquent une pression gigantesque sur l'entourage qui peut expliquer le côté répulsif de l'énergie sombre. Alors comment faire la part entre les différents modèles? Là encore, les télescopes du futur peuvent apporter une réponse. Euclide est un télescope spatial de l'Agence européenne dont le lancement est planifié pour 2021. Son nom se réfère au grand mathématicien et astronome de l'Antiquité qui était capable de mesurer le temps à partir de l'ombre d'un bâton planté dans le sol. Les observations de ce nouvel instrument, portant sur 10 milliards de sources astronomiques durant au moins 6 ans, devraient contribuer à déterminer l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers et la nature de sa source. Récapitulons. Notre univers est en expansion, non seulement perpétuelle, mais accélérée. Son évolution à long terme dépend de la répartition entre énergie sombre et matière noire. Celle-ci a évolué depuis le Big Bang. Durant les 6 premiers milliards d'années de l'histoire cosmique, la matière l'emportait et l'expansion ralentissait. Puis l'énergie sombre a pris le dessus et l'accélération a commencé. En sera-t-il toujours de même? Si c'est le cas, une certaine solitude pointe à l'horizon. Dans 100 milliards d'années, à cause de l'énergie sombre, toutes les galaxies seront trop éloignées les unes des autres pour être observables en quelques lieux où l'on se trouve. Le ciel sera tout noir. À condition que l'énergie sombre n'augmente pas encore la cadence, ce qui, selon certaines théories, n'est pas exclu. En ce cas, le programme serait encore plus court. Dans 22 milliards d'années, l'énergie sombre finirait par disloquer toute la matière jusqu'au niveau atomique. On appelle cela le déchirement généralisé. Bon, on reviendra dans la chronique de demain à des perspectives plus sympathiques.